boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Dur d'aller voir des concerts et dur de rencontrer nos artistes préférés. Heureusement, certains outils numériques nous permettent de recréer du lien, enfin plutôt dans mon cas de créer du lien. Voilà quelques mois, j'ai flashé pour Raskalnikov et leur pote Albert Roche. Alors j'ai fait ma groupie, je suis allé sur Messenger et j'ai écrit à Mathieu de Raskalnikov. Et vous savez quoi? Il m'a répondu. Première interview dans Pop and Rock. Champagne. Première question basique, quel groupe apprécie-t-il? Il me cite Preoccupations. Alors banco, je vous envoie tout de suite deux titres de Preoccupations. We'll be right back. pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais c'est pas grave, ce soir c'est la soirée de Raskolnikov avec un deuxième morceau tout de suite, Fall Colors. Raskolnikov, Mathieu et Jérôme me donnent le nom d'un deuxième groupe. Ma culture rock en prend encore un coup sur la tête. Je ne connais toujours pas le nom. Et comme toujours dans ces cas, je vais gratter, je vais chercher et je trouve un titre du groupe Soft Moon. Je ne sais pas si Mathieu et Jérôme l'aimeront, mais c'est en tout cas celui que je vous propose ce soir. Le groupe c'est donc The Soft Moon, le titre c'est Try. c'était le second groupe proposé par Raskolnikov ce soir. En fait, toute la playlist de ce soir est inspirée par Mathieu et Jérôme, parce que je me disais que pour faire la musique qu'ils nous offrent, ils devaient avoir chacun de leur côté une belle hérédité rock. Jérôme est batteur, issu de parents batteurs. Si c'est pas de l'hérédité, ça. Quant à Matt, c'est son oncle qui lui a fait découvrir les Beatles, T-Rex et autres Velvet Underground. Mais moi, perso, je sais qu'ils aiment Bauhaus. Hidden in the dashboard, the unseen mechanized eye under surveillance. The road is full of cat's eyes, a sick function to pry the spy. C'est une soirée Raskolnikov, les potes de Albert Roche. En bons camarades, les gars de Raskolnikov pensent à leurs potes. Non, pas Albert, on en a déjà parlé, mais aux petits groupes issus de labels indépendants. Et comme je leur ai dit que j'habite entre Lyon et Saint-Étienne, ils m'ont conseillé d'écouter notamment Tisiphone. Pareil que pour tout le reste de la programmation de ce soir, ça ne plaira pas à tout le monde, on s'en fout. Et puis pas grave, parce que le capitaine américain français est avec nous et avec Tisiphone pour le titre Atomic Tissue. Thank you. lyonnaise bien représentée ce soir dans Pop and Rock sur RVR, parce qu'après Tizzy Fun, on vient d'écouter les deux filles de Venin Carmin avec le morceau de Perfume de Poison. Désolé pour l'accent. Encore une découverte que nous offrent Matt et Jérôme. Tiens, en parlant d'eux, si on écoutait un quatrième titre de Raskolnikov. De la scène underground lyonnaise, le groupe s'appelle The Midnight Computers. Le morceau, c'est Cheers. Longtemps que je ne les avais pas programmés, alors ce soir je pense que c'est l'émission presque idéale pour eux parmi Bauhaus et Raskolnikov, qui d'ailleurs nous reviennent tout de suite avec un morceau de leur premier album dont je ne me risquerai pas à prononcer le titre, je crois bien que c'est de l'allemand. Le morceau, lui par contre, le titre est plus facile, c'est la première version de Stockholm. War. now. Since we have gone all ways, as much as I betray you. For as long as a bitterness waits, I need to ask you for forgiveness for now. My only sweet since we've gone all always, just keep on stabbing me now, just keep on stabbing me now. Through unexpected world days, just keep on stabbing me now, just keep on stabbing me now. Probing and ending crashes, just keep on stabbing me now, just keep on stabbing me now, just keep on stabbing me now, chips keep on stabbing me now, chips keep on stabbing me now, chips keep on stabbing me now. Perfect time to go insane, it's a perfect time to go insane, such a perfect time to go insane, such a perfect time to go insane. That I wanna know how you feel. But now I'm not sure that I want to know how you feel today. And what if it was too late in the end? Well, if you just couldn't more careless, and what if it was just too late in the end? Merci à Jérôme, merci à Raskolnikov pour cette soirée qu'on a passée tous ensemble. J'espère que cette émission vous a plu. On va perdre le contrôle avec Joy Division et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous dis rendez-vous même endroit, même heure. Bisous à tous. She showed up all the errors and mistakes.